toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques de la série Culture Science, tous les jours à 14h, en direct du studio numéro 1, de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, à notre sujet et concernant notre préoccupation de ce rendez-vous, et bien tout simplement le monde fongique. Le monde des champignons, la planète champignon, extraordinaire planète, à part un monde singulier qui va nous attirer, j'espère, ou vous attirer quelques étonnements. Et pour cela, avec moi, deux auteurs qui d'ailleurs ont en commun d'être l'un et l'autre des artistes naturalistes, je dirais, dans quelques instants d'ailleurs. L'intérêt qu'il y a à être artiste naturaliste, à faire des beaux dessins naturalistes. Le premier s'appelle Jean-Christophe Guéguen, il est docteur en pharmacie. Et le second s'appelle Xavier Carteret, il est mycologue et historien des sciences. Mais nous n'allons pas modifier nos habitudes, bien sûr, et tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens une coccinelle dite coccinelle canadienne, et son parasite, une guêpe solitaire. Donc, un duo coccinelle canadienne et une guêpe solitaire. Et le parasitisme est sans doute un des domaines où l'évolution exhibe toute sa puissance créatrice. Elle est comme infinie. L'un des plus remarquables parasitismes est sans doute la capacité de faire d'une coccinelle un garde du corps malgré lui. Voici les faits. Les coccinelles canadiennes sont fréquemment prises en otage par une guêpe solitaire. Cette dernière la pique pour y pondre son œuf. Sa larve dévorera très partiellement l'infortuné coléoptère avant de s'en extirper la larve pour ensuite s'entourer d'un cocon niché entre les pattes de notre coccinelle. Celle-ci restera docilement, très docilement, au surplomb de cette couvée, agitée par instants de soubresauts qui effraient les prédateurs potentiels, jusqu'à ce que cette guêpe, entre guillemets, éclose et prenne son envol. Là, la coccinelle que je vais appeler zombie par commodité, ou si l'on peut dire, pourrait alors éventuellement recouvrer ses esprits, recouvrer sa mobilité et reprendre le cours de sa vie. Reste une question d'importance. Pendant tout le temps de la paralysie de la coccinelle, les deux protagonistes étaient évidemment physiquement séparés par le cocon. Quel mécanisme permettait cette prise de contrôle à distance, si l'on peut dire ? Les explications ont été trouvées il y a peu. Les scientifiques menant l'étude ont observé que c'était un virus injecté en même temps que l'œuf qui infectait le système nerveux de la coccinelle et induisait conjointement et paralysie et trépidation. Par leur analyse, les scientifiques ont eu la surprise de voir apparaître dans la coccinelle parasitée le génome complet d'un virus à ARN, proche du virus présent chez d'autres guêpes parasitoïdes. Ces virus qui ont une appétence pour les neurones sont de la même famille que celui qui est responsable de la poliomyélite humaine. Les scientifiques ont ensuite donc adapté les techniques mises au point dans l'étude des poliovirus, et cela pour en quantifier l'abondance et le niveau de réplication dans différents tissus de la coccinelle parasitée. Le virus était effectivement actif dans le système nerveux central des coléoptères avant de disparaître chez ceux qui recouvraient leur mobilité, une fois leur mission de protection assurée. C'est la première fois qu'on montre l'utilisation d'une arme biologique, d'un virus paralysant, dans un mécanisme de manipulation du comportement par un parasite. On peut rester comme médusé par la finesse des réglages évolutifs que ce stratagème impose. Il faut que la guêpe supporte le virus et que celui-ci ne tue pas la coccinelle. Les chercheurs ont en effet montré qu'une coccinelle morte, chevauchant le cocon, ne lui offre aucune protection optimale face à un grillon, face à une araignée sauteuse. Il faut aussi que la paralysie se déclare au moment opportun. Nous sommes face à un parasitisme, double coup, si je puis dire. Bonjour Xavier Carteret. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Guégan. Bonjour. Alors on peut peut-être tout de suite, pour ne pas perdre le fil de mon annonce de tout à l'heure, dire que, et l'un et l'autre, vos ouvrages, c'est vous qui les avez illustrés. Donc je peux vous demander, par exemple à vous, Jean-Christophe Guégan, pourquoi est-ce que vous avez un tel goût du dessin naturaliste ? C'est depuis l'enfance, je dessine, depuis que je pense de l'âge de 5-6 ans, ça a commencé. Observer, dessiner avec des résultats qui, à l'âge de 5-6 ans, étaient certainement pas à la hauteur de ceux d'aujourd'hui. Mais c'est un besoin d'observer, de transformer ce qu'on voit en trois dimensions, en deux dimensions sur le papier. Alors, en règle générale, on utilise l'aquarelle, en particulier ceux qui font encore des vellums, pour la collection du muséum, comme Gaëtan Duchâtenay, un grand illustrateur aussi, entomologiste. Et vous, Xavier Carteret, vous utilisez le crayon. Mais oui. Vous avez aussi le même goût du dessin, vous dessinez... Ah oui, je dessine depuis maintenant, je dessine de façon sérieuse, disons, en dehors des systèmes scolaires. Avec des publications, etc., depuis un certain nombre d'années, plus de 10 ans, 15 ans, essentiellement des champignons. Et c'est vrai que mon originalité en tant qu'illustrateur, c'est ma technique, c'est-à-dire que je suis totalement incapable de faire de l'aquarelle, parce que j'ai pas été formé à l'aquarelle. Oui. Par contre, j'ai commencé vraiment le dessin naturaliste en étant pris dans une équipe de mycologues qui travaillent sur un genre très difficile, les cortinaires, auxquels je m'intéressais beaucoup. Et ils ont vu quelques croquis extrêmement moches de ma part, mais ils ont senti, le dessinateur qui faisait ça, ils ont senti un potentiel. Je dis, se fiche de moi. Alors, je malgré tout fais confiance. Et puis alors, assez rapidement, sur un mois, on a eu une correspondance. Il m'a appris la technique uniquement au crayon, parce qu'il m'a dit, ça va plus vite. Oui. Vous irez plus vite parce que on en est à 23 tomes, ça doit faire. C'est un ouvrage qui fait 1m50 de haut pour l'instant. Oui. Le dernier tome sortira l'année prochaine, l'Atlas des Cortinaires, voilà. Et donc, je dessine la plupart des planches maintenant depuis 10 ans dedans. C'est un travail fou, mais à l'aquarelle, on en serait encore à 10 ou 15 tomes avant. Alors, je ne sais pas du tout de critiquer l'aquarelle. Au contraire, je suis très admiratif de l'aquarelle parce que ça me semble beaucoup plus difficile que le crayon. Avec le crayon, quelqu'un qui a une petite base en dessin peut arriver à de très très bons résultats s'il travaille. Je veux juste ajouter que l'essentiel, c'est j'ai une base de dessin assez modeste. Et c'est surtout le travail. En tout cas, c'est réussi. C'est grâce beaucoup. Au travail. En tout cas, c'est vraiment réussi. C'est absolument magnifique. Et tous ceux à qui j'ai fait voir le livre le trouvent. Voilà. Parce que, évidemment, il y a une beauté des dessins qui excède la photo. Et en plus, il y a un intérêt du dessin. C'est que le dessinateur, avec son style, peut signifier une partie importante. Alors qu'elle est tout à fait à plat sur une photo. Alors, on va mettre ça sous, on va mettre cette émission sous un incipit, est au début de votre ouvrage, Xavier Carteret. Il s'agit de celui de Jean-Yann, vous pouvez nous le dire ? C'est-à-dire que je commence par quelques citations. Disons que dans ce... L'idée maîtresse de ce livre sur les champignons mortels, c'était de faire peur. Bon, d'accord. Mais vraiment de terroriser les gens. Alors, je commence par des citations qui doivent terroriser, parce qu'une bonne fois qu'on en finisse, que les gens arrêtent de manger des choses qui provoquent des intoxications les plus atroces qui soient, c'est-à-dire des douleurs, on reste conscient. Mais ça, on y viendra, bien sûr, on y viendra après. Et j'ai quand même voulu rajouter un petit mot de Jean-Yann que j'aime beaucoup, qui dit tout simplement, tous les champignons sont comestibles, certains ne le sont qu'une fois, c'est tout. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle vérité. On verra d'ailleurs qu'il y a une... Attention pour goûter, c'est oui, tout. Oui. On verra qu'il y a une définition qu'on peut mettre sous forme d'aphorisme et qui est assez proche d'ailleurs. Tous les champignons sont comestibles, certains ne sont qu'une fois, bien évidemment, puisqu'il y a au minimum, en France, à tout le moins, un mort par an On aura des petites statistiques tout à l'heure. Cela dit, maintenant, entrons dans ce règne, ce curieusement, c'est extraordinairement tardif, le moment où on a dit, où on s'est enfin décidé, alors qu'il y avait des mycologues qui travaillaient depuis longtemps, on s'est décidé à dire, eh bien, les champignons ne sont ni des plantes, ni des animaux. C'est un règne à part. C'est l'univers fongique. On va voir toutes les raisons à ça, mais en tout cas, on peut peut-être dire quelques mots sur l'importance culturelle. Alors, il y a une première date, hein, il faut remonter jusqu'à 450 millions d'années pour voir que les champignons, associés donc dans les formations de lichens, vont permettre à toutes les plantes vasculaires d'envahir les continents avant de tout se passer dans les océans. Mais donc ça fait longtemps qu'ils sont là, ces champignons. Et je voudrais faire une généralité. Il me semble, à vous avoir lu, qu'ils ont une importance égale, d'une certaine façon, dans l'équilibre écosystémique, aux vers de terre, pour l'entretien des sols. Je trouve que ce sont des partenaires absolument essentiels pour la vie des forêts, par exemple. Et je suis bien persuadé que vous en êtes persuadé, vous aussi, Jean-Christophe Guéguen. Ils sont là, à juste titre, comme vous l'avez dit, depuis plus de 400 millions d'années. Et oui. Il y a 400 millions d'années, on trouve déjà les fossiles de champignons associés aux plantes. Ils ont aidé les plantes à sortir du milieu marin. Ils ont aidé les plantes à faire la conquête du milieu aérien. Et ils sont en partenaire depuis 400 millions d'années. Ce sont quasiment les mêmes champignons qu'on trouve toujours aujourd'hui, associés à ce qu'on appelle les mycorhizes, avec le végétal, avec les racines de la plante. Oui. On parle d'endo ou d'ectomycorhizes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On y rentrera, c'est intéressant. Peut-être qu'on y rentrera, mais oui. Ils sont là. Et si vous enlevez les champignons, la vie s'effondre sur la planète. L'arbre ne pousse plus, les herbes ne poussent plus, les rendements des récoltes s'effondrent. Donc ils sont là, sur 90% des plantes vivent en association avec un champignon. Alors passons à des exemples qui sont un petit peu hétérogènes les uns aux autres, mais qui font partie de ce que vous appelez d'ailleurs l'un et l'autre la culture autour du champignon, la culture ou la mémoire par exemple. Je sais que il y a un exemple qui à juste titre vous fascine beaucoup, Jean-Christophe Guéguen, c'est Monsieur Audi. Cet homme d'il y a 4000 ans, pris par les glaces, peut-être blessé par une flèche dans le dos, que l'on retrouve en parfait état, et là une gypsière. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors c'est Ötzi. Ötzi. Oui. Ötzi. Il y a umlaut, hein, sur le haut. Ötzi, en référence à la vallée de l'Ötzval, à la frontière italo-autrichienne. On est en 92. Des alpinistes trouvent un corps qui émerge de la glace. On fait venir bien sûr la police qui cherche les papiers du mort qu'elle ne trouvera jamais puisqu'il est mort il y a 5300 ans. Donc c'est un homme de l'âge de bronze et ça va révolutionner notre connaissance sur cette époque où on ne connaissait rien, aussi bien en génome et puis ce petit bonhomme qui devait faire 1m40. Très équipé, il n'est pas mort de faim, il avait le ventre plein, il était bien équipé avec tout un armement, sa mort reste encore mystérieuse, vous avez évoqué une pointe de flèche. Oui. Mais l'homme sur lui-même a un équipement, notamment, où on a trouvé deux types de champignons dans sa besace. Il y en a le premier, c'est le polypore amadouvier, qu'on peut voir comme parasite sur de nombreux arbres et qui signe souvent la mort de l'arbre. Et ce polypore amadouvier, il y en a des morceaux dans sa besace associés à un silex et un morceau de marcassite. Et quand vous frappez le silex avec la marcassite sur le morceau d'amadou, vous produisez des étincelles suffisamment chaudes pour obtenir du feu. Donc il a son briquet portatif sur lui. Ouais, et c'est un champignon. Et c'est un champignon. Et l'amadou a certainement participé à la nomadisation, puisque l'homme pouvait faire du feu partout grâce à ça. Ou en enflammant aussi des lichens ou des mousses sèches. Et le deuxième champignon, c'est encore plus ahurissant. C'est des petits morceaux enfilés sur une lanière de cuir. C'est un autre champignon, un autre polypore, le polypore du bouleau, qui est aussi un champignon parasite. Et ce champignon est utilisé encore dans les pays de l'Est comme antiparasitaire, notamment comme vermifuge. Et lorsqu'on a fait l'étude biologique du corps d'Ötzi, on s'est aperçu qu'il était parasité par un parasite qu'on appelle la trichurine trichine. Il en avait partout, ça s'enquiste dans les muscles, ça provoque des douleurs horribles et son tube digestif était plein d'œufs. Ouais. Donc il avait le traitement sur lui, il avait le quoi faire le feu d'un champignon avec un champignon et de quoi se soigner avec un autre champignon. Et de façon empirique cette fois-ci, sans qu'on connaisse pourquoi ce champignon avait une activité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il avait une quelconque efficace, ce champignon, sur cet homme qui était déjà bien infecté d'une certaine façon ? Mais on peut pas. On peut pas savoir. Mais en tout cas, c'est pas le parasite, les vers qui l'ont tué. Non, absolument. Donc il avait son traitement. Il avait son traitement. Voilà. Oui. Et on utilise toujours ce champignon dans certains pays pour soigner des. C'est comme vermifuge. Vous avez un commentaire, Xavier Carterelle, sur cet épisode que je trouve tout là-dessus, à fait étonnant. Non, j'en ai entendu parler effectivement. Et il y a quelques détails que je ne connaissais pas. Oui. Alors, on va prendre d'autres exemples aussi qui sont liés aux champignons. Je trouve que c'est là encore très intéressant. C'est le mal des ardents. Donc ça, c'est un épisode historique. Hein, je vous laisse le raconter. C'est tout à fait étonnant. Le mal des ardents ou feu de Saint-Antoine, il va frapper l'Europe, toute l'Europe. À partir du 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, il se traduit par les membres qui deviennent noircis, douloureux, qui brûlent, qui se détachent même du corps. C'est pour ça qu'on parle de feu de Saint-Antoine, de mal des ardents. Et on va, l'origine de cette maladie, c'est une intoxication, c'est une mycotoxicose due à un champignon qui se développe sur le blé, sur l'avoine, sur le seigle, un claviceps, qu'on appelle l'ergot de seigle. Pendant des siècles, on n'arrivera pas à relier. On sait simplement que les années humides, c'est des années de famine. Et que le cycle s'en mêle en général. Plus il y a d'humidité, plus il y a de famine. Et plus on est obligé de consommer ce qu'on appelle ce pain ergotisé. Donc, intoxiqué par ce champignon, par cet ergot de seigle qui provoque cette maladie. Les épidémies vont tuer chaque année 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Rien qu'en France. Hein. On l'appelle le mal des Solognaux, selon... Mais d'abord en Limousin, puisque c'est la première date que vous donnez, 994, hein, 40 000 victimes. Et puis après, ça se répand, ça va en Lorraine, avec, sous le nom de peste du feu aussi, je ne sais pas si vous l'avez dit. Et en 1130, c'est à Paris, et là, il y a 16 000 morts. Voilà, on raconte que c'est en allant implorer Sainte-Geneviève que le mal se serait arrêté. Mais on n'a pas de traitement, on ne sait pas ce qui se passe. Donc simplement, le corps est... on sait aujourd'hui que l'ergot de seigle, d'ailleurs, qui a donné une série de médicaments, médicaments importants d'ailleurs, notamment pour une époque pour traiter la migraine, en fait c'est un vasoconstricteur. Donc le sang ne circule plus lorsque vous êtes intoxiqué, donc les membres se gangrènent. On parle pour ça qu'on parle aussi de peste noire, ça ressemble au syndrome de la peste où le sang ne circule plus, les membres deviennent noirs, tombent dans des douleurs atroces et on invoque le diable. Ces personnes sont possédées. Et on pense d'ailleurs que les intoxications de Salem dans le Massachusetts seraient dues à du pain ergotisé. Les sorcières de Salem. Les sorcières de Salem qui provoquent aussi des symptômes d'hystérie, de violence, etc. Tout ça, c'est lié. Donc les personnes qui étaient beaucoup de malheureux infectés par l'ergot de seigle ont fini sur le bûcher, suspect de pactiser avec Satan. Claviceps. Purpurea. On peut juste pour finir sur ce point. Donc, il a été synthétisé, en particulier en Suisse, la première fois qu'il extrait, a été. On l'a extrait. Voilà. Et que la première fois qu'Hoffmann, chimiste, donc du coin, a réussi son coup, il l'a goûté, il est parti, et puis il s'est fait un trip au LSD. Monsieur Hoffmann était réputé pour essayer tous ses médicaments. C'est lui qui a inventé le LSD, ce qui ne l'a pas empêché de devenir centenaire. Oui, absolument, j'ai remarqué ça, effectivement. Voilà. Mais en fait, le jour où il est monté sur son vélo en ayant pris du LSD, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, il vaut mieux que je m'arrête. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Suite donc de cette investigation dans cet immense monde fongique, Xavier Carteret, vous n'êtes pas étonné parce que vous avez dessiné hein, l'ergot de seigle, hein, vous l'avez évidemment représenté. Hein. Oui, je l'ai figuré Je l'ai figuré, c'est un champignon qui maintenant évidemment ne provoque, comme on l'a dit, ne provoque plus de soucis, plus de problèmes, puisque j'ai cette information que certain, vous allez me le confirmer, mais je pense que l'information est exacte, c'est un certain abbé Tessier qui en 1777, a repéré la cause de l'ergotisme. Et à ce moment-là, les épidémies se sont raréfiées et Maintenant, à l'heure actuelle, on tamise les céréales, on les traite par des fongicides, donc le problème est réglé. Simplement, dans un livre où on présente un champ des champignons toxiques, et puis, donc cette note que je voulais apporter de faire peur, je crois que c'était indispensable de faire figurer l'ergot du sec, qui effectivement ressemble un petit peu, sous sa forme de sclérote. Ça, c'est assez gros, c'est comme un morceau de charbon, un petit peu fusoïde, voilà, donc qui se repère et qui vient sur les parties fertiles de la plante, bon. Qui provoque des odeurs, est-ce que parce que vous nous conviez, nous lecteurs, au début de votre ouvrage, à faire une promenade méphitique? Il sent pas bon, celui-là. Voilà, le problème des odeurs est absolument central en mycologie. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait une autre science de la nature qui fasse autant appel pour les caractères discriminants au repérage des différentes odeurs. La gamme des odeurs est telle que on peut, je pense, dire une odeur au hasard. Et un mycologue qui aura une grande culture vous dira exactement qu'il y a un champignon qui a cette odeur. Bien. Alors, nous allons maintenant rentrer dans une connaissance un petit peu plus approfondie, à quoi ça ressemble, un champignon, pourquoi d'ailleurs ça n'est pas une plante, pourquoi ça n'est pas non plus un animal. Jean-Christophe Guéguen, est-ce qu'on peut commencer par décrire tout simplement l'anatomie? C'est construit de cellules. C'est construit de cellules agglomérées. Oui. Ça n'a, y a pas de, à la différence d'un animal ou d'un végétal où il y a des épidermes, des structures bien particulières avec des vaisseaux notamment, le champignon, c'est des structures agglomérées qui vont former notamment ce qu'on appelle le champignon, quand je parle d'un macro-champignon, celui qu'on va chercher en forêt ou acheter sur un étal, qu'on appelle le sporophore. Alors, à distinguer des micro-champignons qui eux sont plus. Des micro-champignons comme les levures, qui échappent à notre œil. Voilà, donc ce champignon, ce macro-champignon, il a toujours cette forme. Et quand vous demandez à n'importe qui, un enfant comme adulte, dessinez-moi un champignon, vous avez toujours un chapeau qu'on va plus ou moins recouvrir de taches rouges ou de taches blanches et un pied volumineux. Et tout le monde, moi, quand je fais une présentation, je donne des petits papiers aux gens avant, je leur donne un crayon et ils font tous quasiment le même dessin. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est bien rentré dans l'esprit, le champignon, c'est ça. Donc c'est quelque chose des filaments agglomérés. Ce qu'on appelle des ifs, vont fabriquer ce champignon. C'est le terme savant. Alors vous dites que c'est dépourvu de tiges, de feuilles, de racines. Il n'y a pas d'organes spécialisés. On a ces filaments agglomérés, les uns contre les autres, anastomosés plus ou moins, mais il n'y a pas de... Réunis, donc anastomosés, voilà. Bien sûr. Collés. Agglomérés, pour parler simplement. Agglomérés, oui. Alors là, on est obligé de donner immédiatement un exemple... Qui est presque d'une certaine façon vertigineux pour faire là encore image. Vous parlez d'un champignon qui est, mais à l'évidence même, le plus grand vivant de la planète. C'est pas la planète bleue, c'est pas la baleine bleue, c'est pas les séquoias géants. C'est un champignon. On le trouve où? C'est un armillaire. On le trouve dans l'Oregon. Âge 2000 ans, poids 700 tonnes. Et il fait, c'est un réseau souterrain qui fait quelques... L'étal de plusieurs dizaines de terrains de football. Oui, vous donnez le chiffre, 1600 de terrains de football. 1600, ce qui correspond à 10 kilomètres carrés. C'est quelque chose d'énorme. Il y en a un deuxième en taille qui est en Suisse aussi, dans le canton des Grisons, qui fait 40 hectares actuellement. On en a repéré d'autres qui sont un peu moins grands, mais c'est pour vous montrer la taille. On a celui de l'Oregon est estimé son âge à 2000 ans. Donc c'est bon, il est un peu plus jeune que certains séquoias, mais un séquoia dépasse pas 100 mètres. Une baleine ne va pas dépasser une trentaine de mètres. Là, on a quelque chose de géant, de monstrueux, de phénoménal. Et on peut dire que c'est un être qui a une unicité. Constitué toujours de la même unité, de ces filaments agglomérés, comme vous le dites, à la fois, la plupart du temps, on ne les voit pas. Ça, c'est la partie souterraine de ces filaments, qu'on appelle le mycélium. Par rapport au sporophore, qui est la partie fertile qu'on le récolte ou avec lequel on fait une belle omelette où on s'empoisonne, comme disait M. Carteret. Et on dit toujours à tort, le champignon, c'est le sporophore. Le champignon, il faut vraiment bien le dire, c'est le mycélium, c'est ce qui a sous terre, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est vraiment ça, c'est le champignon. Si on veut être correct avec le vocabulaire et les mots, le champignon, c'est ça. Ce qu'on voit en forêt, ce qui dépasse, c'est juste le fruit, c'est un abus de langage. Parce que, oui. C'est une fructification pour la reproduction. Le chapeau. C'est ça, oui. Le chapeau, c'est pour, on le verra tout à l'heure. C'est, hein. Le champignon, c'est le sporophore. Voilà, il vit caché. Ah, oui. D'accord. Et vous pouvez avoir des champignons dans votre jardin pendant des dizaines d'années que vous ne verrez jamais de sporophore. Oui. Bah, jour, vous dites que dans un géranium, sur un balcon. Dans votre pot de géranium, vous avez des kilomètres. Des mètres et des mètres. Des kilomètres. Des kilomètres même de mycélium. Il y en a partout. On vit sur un monde de mycélium. On ne se rend pas compte, hein. On ne se rend pas compte qu'il y en a. C'est l'importance, là encore, de ces auxiliaires étranges. Alors, comment ça croît? Comment est-ce que ça croît? Oui, Xavier Carteret, voulais, un petit pardon, bon. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à vivons heureux, vivons cachés chez les champignons. Car on commence à savoir, notamment par l'appui ADN, que, mettons, les champignons qu'on rencontre à chapeau et pied dans les bois, les champignons, comme tout le monde dit, ils sont en fait dans une phase d'incertitude. On commence à en être quasiment convaincu. Tous ont une phase d'incertitude. Ils ont trois phases. C'est-à-dire qu'ils commencent par des, ces pourritures, ces sortes de plaques différemment colorées sur des bouts de bois. Ça, c'est la phase primaire. Donc, on recherche les ancêtres. On recherche de quel genre de ces plaques ils viennent. Après, ils se développent sous cette forme qui est une forme d'incertitude. Ils sont pas encore, ils sont sur Terre. Mais leur but, c'est ce que fait par exemple les truffes, c'est d'aller sous terre. Donc les champignons les plus évolués sont pas ceux qu'on trouve dans les forêts, etc. C'est les champignons les plus évolués, sont ceux qui sont sous terre. Il faut creuser, etc. Il y a pas, parce que sous terre, il n'y a pas que les truffes, il y a une quantité d'espèces. On les appelle aussi des champignons patatoïdes, parce que ça ressemble à des pommes de terre. Et donc c'est leur but. C'est un but étrange. Oui. Très étrange. On les appelle hypogées. Oui, hypogées, c'est ça, voilà, c'est le terme scientifique. Quand on regarde l'évolution, la plupart de ces hypogées, ce sont des champignons, visiblement, en termes évolutifs, qui, il y a 40-50 millions d'années, étaient aériens, et ça s'est présenté comme une adaptation à des périodes plus sèches, notamment ce qu'on peut trouver, ces champignons hypogées, comme les truffes, on les trouve aussi bien en Floride qu'en Australie, ou dans le Périgord, dans des zones sèches. En s'enterrant, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir vous reproduire, parce que si vous fabriquez un chapeau et qu'une période de sécheresse arrive, vous n'arriverez jamais à vous épanouir. Et d'ailleurs, on le voit aussi quand on verra la mycorhisation, l'autre importance. Alors, un petit mot sur la croissance. Comment ça grandit? C'est curieux d'ailleurs, parce que là encore, c'est une curiosité. Il n'y a que les champignons qui grandissent comme ça. Hein. Il y a une espèce d'apex bizarroïde. Vous pensez au côté poussé comme un champignon? Oui. Non. Le moment de croissance, parce qu'en plus, la croissance est extraordinairement rapide. Elle est du rapide, champignon. Ce qu'on appelle cette croissance, si on la parle souterraine de ce mycélium par un apex, sont des cellules qui se divisent très vite, qui restent souvent ouvertes, elles ne sont pas cloisonnées. Il y a tout un système enzymatique au bout qui permet aux champignons de digérer et d'absorber les nutriments, ce qui fait qu'ils poussent vite. Et comme ces cellules restent ouvertes, la communication, pensez à une rame de métro dont les wagons ne sont pas fermés, comme les nouvelles rames qu'il y a actuellement, où on peut aller du bout jusqu'à la fin de la rame, ben c'est le même principe. Donc la circulation des éléments chimiques se fait très très vite à l'intérieur de ce filament. Parce qu'il y a à cause du filament. Les cellules ne sont pas fermées, il y a toujours un petit trou dedans. Il y a un petit opercule, ou en tout cas un petit trou qui permet la circulation. C'est ce qui permet à ce mycélium, lorsqu'il va se connecter entre deux plantes, de faire circuler des informations entre les deux plantes aussi très très rapidement. Alors, quelles sont les productions les plus importantes? Parce que là, vous dites qu'il y a une production en assez forte, en particulier dans cet apex, là, ce moment, ce petit dôme, ce bout de croissance. Ce bourgeon qui digère tout, qui a toute une activité enzymatique phénoménale, qui est au bout et qui lui permet de digérer tout ce qu'il y a autour et d'absorber notamment ce que va avoir le besoin le champignon. C'est des éléments nutritifs, minéraux, mais c'est aussi ce qui va lui permettre d'aller chercher grâce à ce... Lorsqu'il va se connecter à une plante, le champignon, il a cette particularité, c'est qu'il est comme nous, il est hétérotrophe. Il ne survit pas s'il se mange consomme pas des sources carbonées. On dit du glucose. Ce glucose, il est comme nous, on a besoin de manger de la viande, on mange des plantes, on mange des champignons et on s'empoisonne quelquefois. Il a besoin de substances carbonées et il va aller les chercher chez les plantes. Alors, insistons un petit peu d'ailleurs, parce que une de ses caractéristiques, par exemple, tous les végétaux, à part quelques bizarroïdes, sont des hétérotrophes, comme les champignons. Les végétaux, ils sont des autotrophes. D'amour et d'eau fraîche. Ouais, c'est ça, exactement. Gaz carbonique, d'eau. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent simplement de d'éléments chimiques qui vont modifier et qui vont leur servir pour tout. Et donc, ils sont vraiment autotrophes. C'est-à-dire qu'ils sont pas comme nous en train de manger, que sais-je. Bon, allez. du poisson ou quelque chose donc qui est déjà constitué, de la salade, tiens, quelque chose qui est aussi déjà constitué, donc ils sont autotrophes. Les champignons sont comme les animaux, ils sont hétérotrophes. Alors, et en plus, ils vont avoir la particularité extrêmement intense de être aussi des commensalistes permanents. Alors, on peut peut-être en profiter pour faire une petite parenthèse. Comment, puisqu'ils ont été les agents, les vecteurs, les champignons ont-ils permis à ce que les plantes, plus tard les plantes vasculaires, toutes les arbres, ainsi de suite, donc toute la botanique terrestre, à s'implanter de façon émergée? Bien, les premières plantes, elles sont arrivées, ça s'appelait le silurien il y a plus de 400 millions d'années, sur des déserts. Donc il n'y a pas de terre, roche. Donc ces plantes, elles étaient capables, grâce au gaz carbonique et à l'eau qu'elles pompaient dans l'eau, dans les lagunes, de faire la photosynthèse. Mais elles n'avaient pas d'éléments minéraux. Les champignons, en s'associant avec la plante, et grâce à leur fameux apex dont on parle, à leur capacité enzymatique, ont commencé à digérer le sol, à fragmenter le sol, à commencer à fabriquer de l'humus et donner à la plante ce qu'elle a besoin, c'est de l'azote et du potassium, qu'ils ont été digérés grâce à leur enzyme dans le sol. Ils ont donné ça à la plante et ils le font toujours. Ouais. La plante ne sait pas bien capter l'azote et le potassium au niveau de ses racines. Par contre, le champignon, il en a gagné, lui, il ne sait pas faire le glucose. Ouais. Il récupère le glucose chez la plante. C'est étonnant. C'est une symbiose, c'est un mariage depuis plus de 400 millions d'années. Oui. Alors, Pascal Blanc, qui est un spécialiste des sous-bois, dit qu'il fallait aussi que le processus se soit certainement fait à l'ombre, puisqu'il y avait dans ce cas-là plus d'action du soleil qui pouvait permettre des sécations. Donc, c'est peut-être aussi tout cet mécanisme est aussi fait à l'ombre de roches. Dans des lagunes qui étaient protégées. Ou peut-être dans des lagunes. Voilà, alors, pour l'instant, c'est des hypothèses, on n'a pas de... Oui, bien sûr, mais c'est une hypothèse qui est relativement maligne et qu'il essaye de conforter avec le fait qu'il y a évidemment toute une population de végétaux, en tout cas, qui sont spécialisés dans les sous-bois, et donc ça pourrait être intéressant. Alors, on peut peut-être en arriver maintenant à la question de savoir comment est-ce qu'ils vont se reproduire, ces non-plantes, non-animaux, les fongiques. Comment vont-ils faire alors? Quel est le mécanisme? Puisque là, on a parlé tout à l'heure du chapeau, qui était donc l'endroit qui contenait le médium reproductif, d'une certaine façon, c'est les spores, c'est bien ça? Donc comment se passent les choses alors, de ce point de vue, Jean-Christophe Guéguen? Alors, au niveau de ce chapeau, on va trouver ce que l'on appelle, si je dis une bêtise, Xavier me compte, c'est l'hyménophore. L'hyménophore, chez un bolet, ben, c'est ces petits tubes. Quand vous coupez, chez une amanite ou chez un champignon de Paris, c'est ses lamelles. Chez une chanterelle, une girole, ce sont ses plis. Ou ces sortes d'alvéoles chez une morille. À l'intérieur de ça, on a donc une zone qui va produire sporogène, qui va produire ses spores. Chaque champignon a sa forme, sa taille, sa couleur de spore. C'est un peu comme pour les fleurs. On arrive souvent à retrouver l'espèce par rapport au spore. Hein, ces spores qui se propagent dans l'atmosphère. On a calculé qu'il y a à peu près 17 000 tonnes de spores qui se promènent comme nuages autour de la Terre. Oui. Il y en a partout. Je suis certain qu'en ce moment, on aura respiré des spores de champignons, oui, comme le pollen. Et alors, la plante se reproduit par des graines. Le champignon se reproduit par des spores. C'est ça. Et d'ailleurs, quelques dizaines de microns. Oui, et c'est une des grandes nouveautés, enfin découvertes, maintenant assurées. D'ailleurs, il y en a une autre du même ordre, de découvrir dans la colonne d'air, et ça intéresse beaucoup les climatologues, bien évidemment, puisqu'il y a une espèce de volume ou de brume nuageuse de spores, et aussi d'amibes. Et donc des amibes qui se reproduisent à des altitudes extrêmement élevées. Et donc il faut maintenant aussi en tenir compte dans la question du réchauffement climatique pour savoir exactement le statut des températures. C'est un aérosol de pollen, de spores sur laquelle vivent des micro-organismes fixés dessus. C'est étonnant, non? Moi, je trouve ça étonnant. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, je rajouterai juste quelque chose de très, très rapide. C'est que la science mycologique permet éminemment de voir de constater le réchauffement climatique. C'est le meilleur marqueur du réchauffement climatique. Quand on fait de la mycologie, à peu près comme moi, depuis une vingtaine d'années, on voit le changement considérable. C'est-à-dire, en gros, voilà, on va s'arrêter là, des espèces du sud, on les voit au nord. Ça y est, là aussi, c'est parti la transhumance. On voit, allez, c'est... Les insectes du sud montent au nord, c'est pareil. Avant, il n'y avait plus de champignons, début novembre. Maintenant, le moment où il y en a le plus, c'est décembre, pratiquement. Novembre, décembre, il y en a le plus. En ce moment, on est en novembre, il aurait pu y en avoir, doit y en avoir comme jamais en ce moment, avec en plus les records de chaleur. La poussée des cèpes est touchée à Bordeaux déjà, par exemple, ça joue là-dessus ou pas? Vous voulez dire par rapport au réchauffement? Oui. Il y a aussi le réchauffement, ça, évidemment, ça déstabilise un petit peu. Certaines espèces sont en régression, certaines espèces sont en expansion. C'est très, très difficile de savoir est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ou pas. Il faut peut-être plutôt voir les choses de façon synthétique. En gros, selon au fil des saisons, on voit des champignons qu'on ne trouvait que dans le Midi. On voit des gens qui viennent de régions parisiennes les lundis à la Société mycologique de France et qui, de temps en temps, rapportent des espèces qu'on ne trouvait que dans le Midi. Et on se dit, bah, réchauffement climatique quand même. Ouais. Est-ce que la manite des Césars remonte? Ah oui. Elle remonte? Ah, complètement, c'est très fort. Maintenant, elle est très présente en région parisienne. Ben voilà, à glisser le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, entièrement tourné vers l'investigation, la visite de ce monde tellement étrange, tellement à part, qu'est le monde fongique, qui n'est ni plante, encore une fois je le répète, ni animal. Concernant les... parce que c'est fascinant, concernant les mycorhizes, la mycorhisation, le processus de mycorhisation dans lequel on va maintenant rentrer et donner les explications, vous l'avez intitulé le web souterrain de la nature. Oui. C'est ainsi que vous l'avez appelé, Jean-Christophe Guéguen. C'était pour dire que le monde vivant ne nous a pas tendu pour fabriquer Internet. Oui. Ça existe depuis des dizaines, des centaines de millions d'années. Donc un système de connexion. On parlait tout à l'heure de ces hyphes mycéliens qui vont venir s'associer aux racines, notamment d'un arbre, soit en rentrant à l'intérieur, soit en fabriquant un manchon à l'extérieur comme un gant, comme un doigt de gant qu'on enfile. C'est là que vont se faire ces échanges. Le champignon capte le glucose, l'arbre capte l'azote et le phosphore. Et en fait, ça permet à... toutes ces plantes, tous ces arbres, d'avoir un apport en azote, en phosphore. Si vous enlevez le champignon, les récoltes s'effondrent de 80-90%. Oui. Un chêne, au lieu de faire 20 ou 30 mètres, il va faire 5-6 mètres de haut. Sans champignon, il n'y a pas de croissance. D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse, d'ailleurs, qui est d'importance. Je crois qu'on ne l'a pas faite. C'est que sans champignon aussi, simplement avec le fait que les feuilles tombent, ainsi de suite, ça, s'il n'y avait pas de champignons et qu'ils s'occupent de cette dégradation, ils se sont comme des bouffeurs de déchets d'une certaine manière. Ce sont nos éboueurs naturels. Voilà, c'est ça. Il n'y aurait pas de forêt. Non, une forêt de chêne produit à l'hectare à peu près 8 à 10 tonnes par an de feuilles. Si vous ferez péter ça de plusieurs années, en quelques années, la forêt est étouffée. Oui. Par contre, si chaque année, vous allez retrouver la même épaisseur d'humus, puisque ces feuilles vont peu à peu être dégradées par des champignons, puis après retravaillées par des micro-insectes, des colamboles, puis tout un travail avec les vers de terre et tout. Il y a tout ce qu'on appelle le processus d'humification. Oui. Mais les champignons démarrent ce processus. Alors, vous parlez d'un organisme, vous parlez en général de la mycorhisation, qui augmente d'un facteur 1000, là pour faire image, la capacité racinaire d'un arbre. C'est invraisemblable, on est étonné. Donc, Xavier Carteret, vous disiez que c'était planqué. Oui, c'est planqué, quoi. Enfin, l'activité la plus importante. C'est une activité secrète, ce sont des agents secrets. Ils travaillent dans l'ombre. Dans l'ombre. Et qui font un travail gigantesque. Alors, ce que Jean-Christophe disait à l'instant, ça m'a fait penser aussi au titre de l'émission. Oui. Et puis, par rapport à ce travail secret, s'il n'y avait pas ces agents secrets très particuliers, comme écrit Régis Courtecuisse, qui est un très fameux mycologue français dans un livre de référence, il écrit « Sans les saprophytes décomposeurs, oui. Nous serions ensevelis sous une couche de brindilles, feuilles mortes, cadavres divers de plusieurs kilomètres d'épaisseur. » Et je voulais aussi ajouter... Saprophyte, qui vit sur les autres, ça profite. Saprophyte, c'est qui vit sur la matière morte ou inerte. C'est ça. On pourrait pas le dire du gui, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est saprophyte ? Non, c'est la différence, je pense que ce serait mieux placé, entre les saprophytes et les parasites. C'est-à-dire que les parasites, c'est sur les vivants. Le vivant. Les vivants, le gui est hémiparasite. Il est moitié. Mais le champignon a cette capacité d'être parasite. Prenez le cas du polypore, on y revient. Il va vivre de l'arbre vivant, digérer la cellulose. Il va tuer l'arbre. L'arbre va tomber et il va continuer à le manger en étant saprophyte. Aucun autre organisme ne sait faire ça aujourd'hui. Alors au passage aussi, puisque j'ai donné quelques exemples absolument considérables, en particulier la tonne, donc les 500 tonnes de ce champignon qui est sous une forêt de l'Oregon, il y a un champignon africain, je vais essayer lentement de dire son nom, qui s'appelle Termitomyces titanicus, il mérite bien son nom. C'est un de nos plus gros sporophores. Voilà. Alors, taille du chapeau. Un mètre, voire plus. Il y a une photo extraordinaire sur Internet. Vous tapez Termitomyces image. Vous avez tout de suite l'image de quelqu'un qui a ce champignon dans les, entre les bras et qui est un champignon. Attention au terme. C'est pas le mycélium. C'est vraiment le champignon avec le chapeau et le pied. C'est un champignon qui est Termitomyces, donc qui pousse uniquement sur les termitières. Et il fait sa taille. C'est-à-dire que ce champignon de haut fait 1m50. Donc c'est les schtroumpfs. Oui, puis alors quelle alimentation ? Parce que j'espère qu'il est comestible celui-ci. Il y en a des très bons. Il y en a des très bons. Il y a un professeur Roger Heim qui avait travaillé sur les Termitomyces et qui goûtait tous les champignons et qui avait dit les Termitomyces. C'est dans les endroits notamment en Amérique du Sud où ils poussent notamment, c'est très consommé. Oui. Un mètre, un champignon d'un mètre, on fait quelque chose. Une grosse omelette. Oui, vraiment. Alors là, c'est l'équivalent d'un œuf d'autruche qui correspond à 12 œufs de poule, quoi, pour faire une omelette. Vous avez fait un dessin. On trouve ces photos, comme le dit Xavier, sur Internet. On voit des enfants qui, le champignon est plus gros qu'eux, quoi. Ils vendent ce champignon sur le bord de la route, au Congo notamment. Les coulemelles en France ont du gros chapeau quand même. C'est un de nos plus gros, oui. Ouais, ils sont. C'est incomparable par rapport au Termitomyces. La coulemelle, elle atteint 25, 30 cm grand maximum. Elle est haute de 30 cm, mettons, maximum. Le Termitomyces, il peut faire 1m50. Alors, il y a une chose aussi qui, là encore, est une singularité, mais parmi la plus extrême. On sait très, très, très bien que le monde entomologiste, ou plutôt le monde des insectes, a fait une utilisation absolue, quasi systématique et en tout cas généralisée de la chitine. Si on veut avoir un squelette, on peut l'avoir dedans, on peut l'avoir dehors. Et les insectes, évidemment, utilisaient la chitine. Donc c'est cette matière. Et les champignons, pour arriver à armer d'une certaine manière, l'utilisent, c'est bien ça. C'est leur squelette. On a été très étonnés, en fait, quand on a analysé la composition d'un champignon, de retrouver ce même polymère. C'est un polymère de sucre, la chitine, un polymère de glucosamine. Mais on a été très étonnés de retrouver ce même polymère chez une araignée, chez un scorpion, chez une crevette que chez un champignon. Est-ce qu'on peut poser la question innocemment de savoir si il peut y avoir des modalités sexuées de reproduction avec les spores ou pas? Alors ça, je vais peut-être pas laisser... Xavier peut-être connaît mieux. Moi, je crois savoir qu'il faut... Je suis pas spécialiste de ces questions très très techniques, mais pour avoir lu différentes choses là-dessus, les mycologues s'accordent à dire qu'il faut éviter le terme de sexualité et qu'il faut préférer le terme de polarité. Plus ou moins, c'est ça? Plus ou moins. Oui. Ça alors. Parce que il peut y avoir jusqu'à quatre pôles. Donc l'homosexualité n'est pas appropriée. C'est vrai. Mais sinon, alors encore quelque chose. Je déplore, c'est que mon confrère David Garon n'a pas pu venir aujourd'hui et il aurait pu vous parler de ça certainement. Et oui, mais malheureusement il ne pouvait pas. Il peut pas venir. Malheureusement, voilà. il était. C'est extrêmement technique. C'est extrêmement compliqué. Il faut être chimiste de formation, etc. C'est vraiment. C'est pas une sexualité comme le monde animal ou végétal. C'est ça, extrêmement de toute façon, complexe. On aura bien compris qu'il faut rien que comme les autres, quoi. Non, c'est pour ça qu'on leur a fabriqué une boîte à chaussures spéciale pour les ronger. Oui, la boîte à chaussures du monde fongique, parce qu'il faut rien, vraiment rien comme les autres, quoi. Et que ça, c'en est vraiment, vraiment plus qu'étonnant. Alors, évidemment, aussi, dans les situations extrêmes, on en trouve dans les sources hydrothermales. Ça aurait été étonnant de ne pas voir quelques filaments, quelques... If. H-Y-P. H-E-S, if. Oui, pardon. H-Y, oui, c'est pas des mots. On sait que les champignons, à peu près, au point de vue phylogénie moléculaire, sont apparus il y a à peu près 1 milliard d'années. Oui. Donc, obligatoirement, ils sont apparus dans le milieu aquatique, comme la vie. Et on retrouve dans les cracheurs sous-marins, dans les sources hydrothermales, je ne sais pas comment on les appelle, les évents sous-marins, on retrouve des colonies de champignons, de micromycètes, qu'on n'arrive quasiment pas à cultiver, mais grâce aux sondes ADN, on arrive à repérer des genres de micromycètes qui vivent dans assez profondeur, dans un système, un écosystème qui n'est pas un écosystème adapté à l'oxygène, mais dans la proximité de sources de soufre, etc. C'est certainement là où ils sont apparus peut-être les premiers. C'est une des hypothèses. Là. Mais ils sont encore présents. Alors ils n'ont pas de chapeau, ils n'ont pas de mycélium. Ils sont microscopiques comme les levures, mais ils vivent là. Ce qui est étrange, c'est que la majorité des vivants tout à fait inconnus, quand on est arrivé, on a vu des champignons gigantesques, avec une grosse tête rouge, ou en tout cas... Les vers tubicoles. Voilà, c'est ça. Qui sont rouges et blancs, et qui étaient là encore, qui avaient des commensalismes, donc des manières d'être vivants ensemble et s'entraider, tout à fait étonnantes. Donc là, il y a évidemment, parmi, dans ces vers, il y a des éléments ou des vivants qui sont autotrophes, hein, et qui viennent fournir quelques carbones, quelques quoi, puisque il y a du zinc, il y a des horreurs. Soufre, quoi. Exactement, c'est une chimie basée sur le soufre, oui, c'est ça. Qui remplace l'oxygène. Ce sont des bactéries chimio-lithotrophes, donc qui vont faire cette même, elles sont autotrophes vis-à-vis du soufre. Elles vont faire le même travail que font les végétaux, on peut dire, sur l'atmosphère terrestre, qui vont faire ce travail à partir de l'oxygène. C'est elles qui vont être à la base de la chaîne alimentaire. On estime à combien le nombre de champignons à peu près identifiés? Est-ce qu'on peut retenir le chiffre de 200 000? 120 000 identifiés. 120 000 identifiés. À peu près. 1000 par an découverts. Très dur à évaluer, mais c'est de cet ordre. Et estimation de la biodiversité fongique de la planète, c'est des chiffres aussi. Certains auteurs donnent 1,5 million. 1,5 million espèces de champignons. On n'a pas fait l'inventaire. Sachant qu'aujourd'hui, le nombre d'espèces, toutes confondues, animales, végétales, microbiennes, décrites sur la planète, c'est 1,8 million, 1,9 million. Donc il y a autant de champignons à découvrir qu'il y a d'espèces sur la planète. On estime que la biodiversité de la planète, c'est entre 10 et 30 millions d'espèces. Avec 1,5 million de champignons, il y a de quoi faire, il y a de quoi travailler. Oui, c'est exactement, ça me fait penser à un rendez-vous relativement récent, où on voit qu'il y a un écosystème absolument vertigineux d'animaux qui sont intraterrestres. Alors il s'agit d'amibes qui vivent dans des profondeurs absolument hallucinantes, qui se reproduisent avec un métabolisme très lent du fait simplement de la densité qui leur pèse sur la tête, du poids qui leur pèse sur la tête. Mais là encore, la vie s'immisce partout et de manière pléthorique et de manière aux limites. Alors je vous propose qu'on en vienne à un petit morceau du parcours méphitique. Vous avez Vous avez des malices, Xavier Carteret, qui sont... Pourquoi vous en venez ou vous mobilisez Protagoras et les sophistes grecs dont un des ce sont des nominalistes convaincus, hein, l'homme est la mesure de toute chose, et que ce qui existe vraiment c'est le langage. Pourquoi d'un seul coup voici apparaître. Il me semble qu'on trouve on est très aidé pour comprendre le problème de la toxicité des champignons par les sophistes, par des choses qui sont révolues, qui étaient en Grèce, les sophistes. La notion d'hubris, c'est-à-dire la démesure et l'orgueil. Oui. L'équivalent du péché chez les Grecs. Pas de notion de péché, mais c'était... Ah non, surtout pas de notion de péché. Mais alors, pour les sophistes et Protagoras, moi, ça m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est-à-dire que c'est l'apparence. C'est-à-dire que c'est le problème de l'apparence, c'est que la manie de phalloïde, c'est la beauté. C'est un très beau champignon. Alors, on voit un champignon qui est répandu, qui est très beau. Des gens le disent moche. Mais je sais pourquoi, je pense savoir pourquoi ils le disent, parce qu'ils savent d'avance, qu'il est préconçu, qu'il est mortel. Donc, à partir du moment où on sait qu'il contient la mort, on dit qu'il est moche. Bon. Et donc, la manie de phalloïde, c'est la reine des sophistes. Puisque dans les sous-bois, elle nous fait croire qu'elle est comestible, sur son belle apparence. Si on revient à Platon, par exemple, qui fait assez rapidement une assimilation du beau et du bien, du bon et du bien, pardon. Oui, bah ça marche ensemble. Hein, ça marche ensemble. Oui, donc oui. Le bon est vite assimilé à ce qui est mangé. Donc ce qui est beau va être bon à manger. Donc je crois que tout ça a évolué comme ça. Bon, si vous permettez, Xavier Carteret, je vais quand même vous citer, oui. Puisque à ce moment-là, vous avez, c'est presque comme élégiaque, hein, en parlant de cette amanite phalloïde, alias... Il y a beaucoup de noms, hein, d'ailleurs. Voilà, il y en a énormément. Le calice de la mort, la grande sophiste, bon, enfin, passons. Pour nous, tout d'abord, elle est belle, élégamment profilée, d'un vert olive, charmant, presque moelleuse, voire pulpeuse au toucher, exhalant un parfum enchanteur de rose en fin de vie, elle ne peut que plaire. Mise en garde, le poison, au moins chez ces champignons, n'exhibe aucun signe extérieur. Alors là aussi, autre définition que je trouve parfaitement drôle et étonnante, c'est celui qui donc définit ce mycologue très connu, vous devez savoir ça par cœur. Ah oui, vous avez, c'est le docteur Lucien Giacomoni qui a laissé un aphorisme qui est très intéressant parce que il dit les champignons comestibles sont les moins toxiques de tous. Bon, ce qui est très pro. Répète donc. Les champignons comestibles sont les moins toxiques de tous. C'était en fait extrêmement profond parce que ça renvoie tout de suite à un discours qu'on a envie de tenir. On comprend tout de suite en fait que derrière même les très bons champignons, les cèpes, etc., il y a les champignons, c'est des usines à molécules extrêmement complexes. Donc il y a les problèmes des intolérances personnelles. Oui. Des problèmes d'idiosyncrasie personnelle. Donc, on peut tout à fait être allergique au cèpe et tomber malade, gravement malade. Oui. Un rose, ça peut rendre malade si votre... N'importe quel champignon peut rendre gravement malade. C'est ça, si votre idiosyncrasie est conformée ou votre singularité digestive. Mais pas seulement. Pas seulement. Le point essentiel, à mon avis, dans ces problèmes de toxicité, c'est de l'excès, la démesure, l'hubris, c'est-à-dire que... Oui, je vous vois venir. Mais oui, les champignons, c'est l'attrait de la sensualité, comme il n'y a pas une autre science de la nature qui soit plus sensuelle. Comme disait Lichtenberg, a laissé un aphorisme assez connu, il dit il y a très peu de choses que l'on peut connaître par les cinq sens. Bon, il fait référence à la sexualité, bon, c'est clair. Mais avec les champignons, on est très proche de la sexualité, parce que il y a même un champignon. On a tous les sens sont convoqués, sauf l'ouïe. Cela dit, on pourrait presque défendre... Les champignons, vous n'allez pas me dire que les champignons chantent? Si. Bon, je vais pas vous dire ça, mais quasiment, il y a un champignon qui a un caractère de reconnaissance, c'est que quand on casse son pied, il fait un tic très particulier. Ah. Et ça, quand il fait ce tic, on dit, ah, c'est telle espèce. Donc, Il n'y a pas d'autre science qui convoque plus la sensualité, d'où après la libido, le délire libidinès, c'est-à-dire, par exemple, moi je le prends sous la définition de Saint-Augustin, la libido au sens large, c'est-à-dire qui comprend aussi la nourriture et l'envie de ne pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter. Bon, eh bien nous resterons sur une citation, une citation et une mobilisation de Augustin pour parler de cet extraordinaire monde fongique. J'espère qu'on a donné le goût à chacun des auditeurs qui nous ont suivis aujourd'hui pour ce rendez-vous de Continent Science concernant le monde fongique. Xavier Carteret, les champignons mortels d'Europe, c'est dans une collection magnifique qui s'appelle De Natura Rerum, tient comme Lucrèce, un matérialiste conséquent, et c'est publié aux éditions Klingsic. Quant à votre livre, Jean-Christophe Guéguen, intitulé Biodiversité et évolution du monde fongique, qui est signé aussi de David Garon, qui n'a pas pu venir, et qui est publié chez EDP Science, ça n'est que l'un des volumes d'une série complète sur la biologie. Voilà. Continent Science est arrivé à son terme. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues aujourd'hui aux manettes. Élise Leu pour la documentation, Thierry Beauchamp à la réalisation, Dany Journeau, Stéphane Deligeorges. Continent Science est balado diffusé. Vous pouvez nous écouter 1000 jours. Et nous enregistrer pendant une année en nous téléchargeant. Demain à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Dans quelques instants, à 15h, vous retrouverez Culture Musique. Je m'étais trompé la semaine dernière dans l'annonce de cette émission. Et il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.